Iman. Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Les titres, d'abord, l'indemnisation des familles des victimes de 1972-73 dont les biens ont été spoliés est en vue. Des enquêtes sur ce sujet sont en cours, a dit le vice-président de la commission Vérité et Réconciliation qui présentait ce lundi son rapport aux représentants des confessions religieuses. L'expropriation des populations pour cause d'utilité publique requiert des préalables dont la prise en compte de la compétence de l'autorité en fonction de la superficie de la propriété. Vous aurez les explications d'un expert en droit foncier. L'eau et l'électricité manquent dans différentes zones de la mairie de Bujumbura. Nos reporters nous emmènent à Nyakabiga, Bwiza, à Musaga et à Kanyosha en mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La commission Vérité et Réconciliation Sévère est en train de mener des enquêtes profondes pour que les biens spoliés aux familles des victimes des crises de 1972 et 1973 leur soient restitués en bonne et due forme. Révélation ce lundi de Clément Noé Nziza, vice-président de la commission Vérité et Réconciliation, c'était au cours de la présentation du rapport de cette commission aux représentants des confessions religieuses, ces derniers ayant demandé au commissaire de la dite commission de faire un travail réconciliant les Burundais dans leurs différences. Reportage Évariste Nzikobanyana. Au cours de cette présentation des réalisations de la commission Vérité et Réconciliation à l'endroit des représentants des confessions religieuses, ça a été une occasion pour ces derniers de saluer le travail de cette commission. Mais parmi les préoccupations figure la question de savoir à quand la restitution des biens spoliés pendant les crises de 1972 et 1973 de Imana Laurent et parmi le représentant des confessions religieuses préoccupé par cette question. Le sœur d'Eric Ndaiziga, qui fut le ministre des Travaux publics, demande toujours si le gouvernement peut leur restituer la parcelle de là où se trouve le ministère de la Santé publique. Ses enfants sont des métis, ils sont aux États-Unis. C'est l'une des parcelles spoliées à des gens qu'on appelait Abamenj. La CVR dit comprendre les préoccupations de ses représentants des confessions religieuses. Le commissaire et vice-président de cette commission, Clément Noé Nziza, tranquillise ceux qui ont été spoliés dans les années 1972 et 1973. Il signale que des enquêtes sont en cours pour que les biens spoliés soient restitués. Il y a des enquêtes qu'on est en train de mener pour savoir le sort des biens spoliés. Il y a eu une loi du président de la République qui portait restitution des biens spoliés, mais il y a ceux qui n'ont pas obtempéré. Dans ces enquêtes, les gens viendront nous montrer là où sont leurs biens spoliés pour que ceux qui sont dans les mains de la population ainsi que ceux dans les mains de l'État soient restitués. Ceux qui ont représenté les confessions religieuses dans cette présentation des activités réalisées par la CVR souhaite au commissaire de cette dernière d'accomplir une mission qui ne replonge pas le Burundi dans des crises qu'elle a connues dans le passé. Évariste Nzikobanyan. La décision portant expropriation pour cause d'utilité publique est prise après une procédure qui comprend notamment une enquête impliquant la population concernée. Les explications d'un expert en droit foncier précisent que l'autorité compétente dépend de la superficie d'une propriété foncière et la population doit être préalablement indemnisée de manière juste. C'est après les lamentations des populations du périmètre de 160 hectares proche de la présidence de la République à Gasegni, en commune de Mutimbuzi, qui réclament toujours leurs indemnisations. Pour Emery Nukuri, le professeur Emery Nukuri indique que tout doit commencer par un projet qui est soumis à l'autorité compétente selon la superficie de la propriété foncière et sa localisation. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Oukayenetz. Le code foncier prévoit que quand quelqu'un a un projet, il va le soumettre à l'autorité compétente, qui est selon la superficie, soit le ministre ayant été dans ses attributions pour une terre rurale qui n'excède pas 25 hectares, ou le ministre ayant urbanisé dans ses attributions pour une terre urbaine n'excédant pas 1 hectare, ou le président de la République pour les autres catégories de terres. Ça veut dire, j'ai un projet, je veux que vous faites l'expropriation. L'autorité va analyser, avant d'aller sur le terrain, il va voir que le projet est bon. Il va faire ce qu'on appelle une déclaration provisoire d'utilité publique. C'est provisoire, parce qu'il faudra aller sur le terrain et interroger la population, l'explique. L'étape suivante, ça sera l'enquête d'utilité publique. On va impliquer la population, lui monter le projet, lui expliquer pour que vraiment la population puisse savoir le bien fond. Dans ce cas, après, les équipes techniques du ministère de l'administration locale, ils vont transmettre un rapport de cette enquête à l'autorité compétente. Et l'autorité compétente va solliciter l'avis de la Commission foncière nationale. Et l'autorité compétente, c'est qui? Soit les deux ministres, soit le président de la République. Ça dépend de la superficie. Et dans ce cas, l'autorité compétente va apprécier. Il va décider de prendre une décision d'expropriation ou de reste. Mais généralement, si le projet est intéressant, le président de la République ou le ministre compétent, ils vont prendre une décision d'expropriation. Mais cette décision elle-même, elle comprend le montant des indemnités à donner. Et la loi prévoit que dans ce cas, l'article 424, que l'indemnité est négociée entre l'État et les particuliers et que et dans ce cas, l'indemnité doit être payée avant le déguerpissement. Si la population n'est pas satisfaite, elle peut toujours saisir le tribunal, mais quand même dans toutes les circonstances, l'État doit être vigilant pour vraiment rendre justice à la population. Et dans ce cas, la personne accepte de souffrir, de perdre sa propriété, de perdre sa maison au profit de l'intérêt général, il est normal qu'on puisse lui donner une indemnité juste par rapport à la valeur du marché. Donc, il faut que l'État gagne et aussi que la personne gagne. Oui, bien sûr, c'est un partenariat gagnant-gagnant et la personne accepte de souffrir pour que les travaux d'intérêt général puissent se réaliser, qui à la fin, la personne lui-même va bénéficier, par exemple, de l'énergie électrique. Par exemple. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, je vous l'avais annoncé. Les habitants de la cellule Kamessa 1 affirment n'avoir de l'eau potable de la régie des eaux qu'une fois par semaine et se rabattent sur deux robinets publics. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent que l'eau fournie par ces deux robinets ne peut pas suffire à toutes les familles de cette localité. Le courant électrique, quant à lui, n'est fourni que quelques heures par jour. Des élus locaux de cette cellule s'associent à ces populations pour demander à la régie des eaux de trouver une solution à ce manque d'eau et d'électricité. C'est un reportage de Sheila Irambona. C'est vers 11h du matin que nous sommes arrivés au quartier Kamessa 1, en zone Moussaga, près de l'un des deux robinets mis en place par l'ONG Amazewota dans ce secteur. Interrogés, les habitants de cette localité se trouvant sur la queue devant ce robinet indiquent qu'ils font face à une pénurie d'eau et d'électricité depuis plusieurs mois. La régie des eaux les fournit une fois par semaine en eau et quelques heures par jour en courant électrique. La régie des eaux fournit très peu de fois nos ménages, une fois par semaine. Et des fois, une semaine peut s'écouler sans que nous ayons une goutte d'eau. Pour ce qui est du courant électrique, nous venons de passer un mois étant confrontés à des coupures répétitives. On peut passer deux heures avec ou sans. Pour puiser de l'eau, nous pouvons aller dans les collines surplombant Kamessa. Arrivé là-bas, on se retrouve un grand nombre. Il arrive qu'on n'ait pas accès au robinet. Et une fois cela fait, on se retrouve entre Déré, à Kinanira et à Kanyoche. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir accès à cette eau potable. Quand c'est le moment de faire la lessive, j'amène les bidons à la queue à 3h du matin. Ils sont en nombre de 10. Et cette eau se termine en un laps de temps. Et je reviens ici pour faire la queue encore une fois. Nos toilettes, sièges, nécessitent aussi beaucoup d'eau. Ils affirment que cela ne leur facilite pas la vie et demandent à la régie des eaux de leur venir en aide. C'est vraiment pas facile pour les domestiques d'épuiser de l'eau pour une famille de 5 enfants qui doivent se laver, etc. Que nos autorités demandent à la régie des eaux de nous fournir en eau potable et en quantité suffisante. Une demande également faite par un des élus locaux qui affirme que même ces robinets qui ont été mis en place par l'ONG Amazewota ne donnent pas suffisamment d'eau. Nous avons informé la régie des eaux que nous avons une pénurie d'eau. L'ONG Amazewota a aménagé des robinets, mais ce n'est pas tous les robinets qui nous fournissent en eau. Ils ont construit 3 robinets, mais seuls 2 sont fonctionnels. C'est vrai que nous avons ce problème d'eau. Nous avons demandé, comme la régie des eaux ne nous fournit pas en eau, de multiplier ces robinets d'Amazewota. Ce problème de pénurie d'eau a été également soulevé par les habitants du quartier Boussolo de la zone Kenyosha. Au micro, ils ont affirmé que pour avoir de l'eau potable, ils sont obligés de faire du porte-à-porte au quartier Kinanira de la zone Moussaga. Sheila Irambona est en commune Mukaza, précisément dans les zones urbaines de Nyakabiga et Buiza. L'eau manque également et l'électricité depuis 4 jours pour certains et 2 semaines pour d'autres. Les salons de coiffure, les alimentations, les restaurateurs et d'autres activités nécessitant du courant électrique enregistrent des pertes énormes. Dans ces conditions, la régie des eaux est interpellée pour que l'électricité revienne et que l'eau coule encore dans les robinets de Nyakabiga et Buiza. Un reportage de Mireille Kanyang. À la 6e avenue de Nyakabiga 3 comme à la 9e avenue de Nyakabiga 2, comme pour d'autres avenues, habitants et personnes effectuant leurs activités quotidiennes déplorent le manque d'électricité. Cela fait des jours, bien que l'eau tombe des robinets, tarie par la suite. On n'a pas d'électricité. Cela fait presque 4 jours. Quant à l'eau, elle part, elle revient. C'est un problème. Pour ce qui est du courant électrique, les conséquences sont nombreuses. Il y a des produits qu'on conserve au frigo et ça s'abîme. Pour nous qui avons des enfants qui devraient faire l'étude pour les examens, c'est un problème. On ne peut plus conserver le lait pour les bébés. Vu de l'avenue de la République, des salons de coiffure sont fermés par manque de courant électrique. Pour ce coiffeur pour dames de la 9e avenue à Nyakabiga 2, ils sont en train d'enregistrer des pertes sur ces 3 jours. Ça fait les 3e jour que nous n'avons pas le courant depuis samedi, mais il y a les autres qui ont fait même 4 à 5 jours sans le courant. Mais les pertes n'est pas manquées puisque on travaille, on ne gagne rien puisqu'il n'y a pas de courant. Pour payer les loyers aussi, ça devient difficile. Et pour trouver ce qu'on va mettre sous la dent, ça devient difficile puisqu'il n'y a pas le courant. À la 9e avenue de la zone urbaine de Buiza, le manque de courant électrique, plus particulièrement de l'eau, désoriente les habitants, selon le témoignage de ce jeune homme qui puise pour le restaurant. Ça fait presque 2 semaines qu'il n'y a pas d'eau. Des fois, elle vient et elle fait à 2 à 3 jours seulement. L'emprise, c'est dans certains ménages de la 6e. Comme c'était un restaurant, je prise beaucoup d'eau et ça me fatigue. Il demande tous à la régie des eaux de régler ces problèmes d'eau et d'électricité qui affectent au quotidien le vécu des habitants. Merci Mireille. Et ce manque d'électricité dans ces zones de Buiza et Nyakabiga est connu des autorités de la régie des eaux, affirme le directeur d'électricité qui parle d'une panne aux alentours du jardin public. Jean-Luc Massabo fait savoir que les équipes techniques sont à l'œuvre pour détecter exactement et réparer cette panne. Il promet que d'autres voies de solution sont en cours d'essai. Les anciens combattants handicapés sont appelés à s'organiser en coopérative pour pouvoir bénéficier des appuis financiers. Cet appel leur a été lancé par le secrétaire permanent au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants ce dimanche à Bururi lors de la clôture des Jeux paralympiques qui opposaient les équipes de personnes vivant avec handicap venues de 6 provinces. Le colonel Jean-Marie Baroumiché indique que ces Jeux ont été organisés dans le but de les soutenir et leur montrer que le ministère songe toujours à eux. Après les matchs, toutes les équipes ont reçu des prix. Zénon Zambumal. Ces Jeux paralympiques qui avaient débuté ce samedi au chef-lieu de la province de Bururi ont été clôturés ce dimanche. À Sitting Volleyball, les hommes de Muzinga ont remporté avec un score de 3-7 contre 0 de l'équipe Anacorage. Côté femmes, c'est l'équipe Espoir Rapide 2 qui a battu Espoir 1 pas un score de 2-7 contre 0. Un goalball qui est joué par les aveugles et les malvoyants. Les hommes de Muzinga 2 ont remporté sur Muzinga 1 par 6-5. Toutes ces équipes gagnantes sont de Bujumbura Mairi. Il y a eu également l'athlétisme de ces anciens combattants handicapés au stade de Kabuye. Et ces Jeux paralympiques ont vu la participation des personnes vivant avec handicap en provenance des provinces Bujumbura Mairi, Kayanza, Muramvya, Mwaro, Bururi et Rumonge. C'est le secrétaire permanent au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ces Jeux paralympiques sont organisés une fois l'année pour l'encadrement et mobilisation des anciens combattants afin de leur montrer que ce ministère songe toujours à eux. Colonel Jamari Barumiche appelle les anciens combattants handicapés à préparer leur avenir en se mettant sur toi en coopérative, car ceux qui travaillent ensemble seront appuyés financièrement par le gouvernement. Vous saurez que chaque équipe qui a participé à ces Jeux a reçu des prix composés de tenues de sport, des chaussures, des ballons de jeu et une enveloppe. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de moyens financiers et des équipements modernes appropriés aux personnes vivant avec handicap, voilà les défis auxquels font face les pratiquants burundais de paratennis. Et pour trouver une solution à ce problème, Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique, demande aux hommes d'affaires et au gouvernement d'investir dans les disciplines qui sont pratiquées par les personnes vivant avec handicap. Jean-Marie Vianengendakoumane. Le manque de moyens financiers et les infrastructures modernes appropriées au sport de paratennis sont parmi les défis qui empêchent l'évolution de ce sport au Burundi. Explication de Cassier Bizabigomba, directeur technique adjoint du Comité national paralympique. Les défis relevés à l'endroit de ce jeu qui empêchent le développement de ce jeu ici au Burundi. Sur ce sujet, à côté des défis des moyens financiers, les défis des maillots, les défis de tout matériel nécessaire pour ce jeu, je peux ajouter le défi principal des terrains. Donc, vous savez que le tennis de table se joue toujours dans des amphithéâtres, dans des gymnases. Et ici, chez nous, nous n'avons aucun gymnase, aucun amphithéâtre. Donc, nous avons un défi principal d'avoir un gymnase ou un amphithéâtre pour ce jeu, pour faciliter donc ce jeu au Burundi. Et si jamais nous aurions cette construction ou bien ce bâtiment, nous aurons franchi à un pas en avant. À cela s'ajoute le manque de matériel destiné aux personnes handicapées qui pratiquent le paratennis. Parmi les défis aussi, nous pouvons évoquer aussi les matériels pour les personnes handicapées. Ce sont des prothèses, des orthèses, des béquilles. Ça, ce sont des matériels vraiment qui sont très nécessaires, qui ne doivent pas manquer. Cassier Bizabigomba déplore également l'insuffisance des tables de tennis de table dans les différents centres de formation. Aussi, nous pouvons dire que nous n'avons pas de tables suffisantes pour d'autres équipes. Parce que à partir de l'année dernière, 2023, nous avons des équipes dans les centres Kanoa de Gihanga, le centre Saint-Kizito, il y a longtemps qu'il y a ces équipes. Et aussi, l'équipe Étoile du Matin de Gitega, il y a aussi des équipes. Dans le centre de Gakwende, il y a des équipes. Et dans le centre Saint-Bernard de Makamba, aussi des équipes. Vous entendez que nous avons beaucoup d'équipes qui nécessitent beaucoup de tables, de tennis de table. Pour trouver solution à ces problèmes, Cassier Bizabigomba demande au gouvernement d'appuyer le paratennis comme c'est le cas pour le football classique. Pour recommandation, c'est toujours envers notre gouvernement. Il faut que le gouvernement vraiment tienne à main les Jeux paralympiques comme les Jeux olympiques. Moi, je donne chaque fois l'exemple du football. Il est vrai que le football vraiment est un jeu qui valorise notre pays, est un jeu que nous tous nous aimons et nous assistons. Mais quand même, il faut que même les autres Jeux bénéficient des mêmes droits que le football. Il faut que même le tennis de table peut avoir les moyens comme le football. Il faut que le gouvernement s'implique comme il s'implique dans le football des valides. Quant aux bienfaiteurs et aux hommes d'affaires, Kasebi Zabi Gomba leur demande d'investir aux différents sports pratiqués par les personnes vivant avec le handicap en général et au paratennis en particulier. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité.